On the Rocks, c'est une émission vraiment pour le peuple. On the Rocks, même à l'envers, On the Rocks, on peut la faire. Rock, pop, folk, radio show depuis 1992. www.onzerocks.net. Ouais! Quelqu'un met tout à fond, que je vous fais chier à laisser vos merdes. Tu crois que ça va être? Tout à fond! Le rock, c'est tout à fond! Rock and roll. I'm the gun, I bet you don't. Wow! On the rocks. All right. J'ai une pêche, les gars. Bonsoir à tous, c'est Manu dans The Rocks, comme tous les lundis soirs, ou presque, pour cette dernière émission avant les vacances de février, une petite pause de 15 jours. Eh bien, je suis ravi de vous rencontrer ce soir, au-delà du micro, au-delà des ondes, et de vous retrouver comme tous les lundis. Ou n'importe quel autre jour, si vous l'écoutez en différé. Rock and roll. Ou en rediffusion sur ZF à Blois. Plein de petites nouveautés encore ce soir dans The Rocks. On va commencer avec l'une d'entre elles. Et ça, c'est une retrouvaille qui me fait bien plaisir. Toujours plaisant quand il y a un artiste qu'on aime beaucoup et qui s'éclipse un petit peu à cause de la vie, à cause de comme ces artistes qui ne vivent pas de leur musique, peut-être un peu d'aquabonisme, un peu de travail, de vie familiale et de choses qui empêchent les albums de s'empiler les uns sur les autres. Et puis, on attend le prochain album avec impatience. Là, le prochain album n'arrive pas. Et puis, on se dit que ça finit rapidement. Bien parvenir, eh bien oui, ça y est, ça vient. C'est un grand habitué de l'émission, il est venu moult et moult fois et pas si longtemps, il n'y a pas si longtemps encore à ses micros. Il s'appelle David Fecknam, il revient avec un disque qui s'appelle Family Tree. Eh bien, on va se passer un des morceaux les plus enlevés de cet album où on retrouve la personnalité et la voix de David Fecknam comme à l'origine et comme toujours et comme on l'aimait. Eh bien, voici donc Moving On. Alors, il y a deux versions de Moving On que m'a envoyé David. Il y a le Moving On rapide, avec une fin un peu écourté, et puis un moving on avec la fin un peu plus longue. Eh bien, moi, j'ai choisi la fin un peu plus longue, et je suis d'accord avec David qui m'a envoyé un petit message. J'aurais presque pu durer encore plus longtemps, cette version longue. Voici donc David Fecknam, c'est une nouveauté dans The Rock, ça s'appelle Moving On, et c'est tiré de son dernier album avec sa jolie pochette verte. Dishwasher is broken. falls apart. Walk to the kitchen on an early mission, making sourdough biscuits to start. Where we're going, where we've gone, while our eyes were closing on a crash course with the sun. Entamer l'émission On The Rock ce soir, et c'est pas fini, on aura une tripotée de nouveautés. On va commencer, on a commencé d'abord avec David Fecknam qui joue un peu de tous les instruments sur ce morceau qui s'appelle Moving On, et en particulier de la batterie, car n'oublions pas que David Fecknam est d'abord batteur, et on sent qu'il se fait plaisir sur ce morceau, et nous ça nous fait plaisir avec lui. Et puis à l'instant c'était le groupe de Vancouver Buddy avec le morceau Sunday Morning. Non, ce n'était pas le morceau du Velvet Underground, c'était un autre morceau, une nouveauté nouveauté, Sunday Morning, donc par le groupe Buddy, mais peut-être que le morceau du Velvet Underground, un peu revisité, va nous faire un petit coucou d'ici la fin de l'émission. Nous allons maintenant à Brooklyn, avec un groupe qui s'appelle American Outers, et qui font un clin d'œil plus qu'appuyé, alors j'espère que c'est un clin d'œil... Il l'assume, hein, j'ai pas regardé les crédits, mais au Don't Worry, Be Happy, morceau immédiatement devenu un classique au moment de sa sortie qui n'a pas vieilli d'un poil de Bobby McFerrin, du grand Bobby McFerrin. Eh bien, ils reprennent le gimmick, la mélodie et un peu l'ambiance champêtre et virevoltante de ce morceau de Bobby McFerrin. Ça s'appelle donc American Outers, We Happy, et c'est encore une nouveauté dans The Rocks. C'est ce qu'on appelle le talent qui vient très très jeune. C'était les gamins de Brooklyn du groupe Jizz à l'instant, avec 20 ans de moyenne d'âge à peu près. Ils ont commencé, ils avaient 17 ans à l'époque de leur premier album. C'était une nouveauté, ça s'appelle Cowboy Nude. Juste avant, c'était American Outers avec We Happy. Allez, on continue dans les nouveautés dans The Rocks avec Laurie Wright. Ça vient juste de sortir. Je crois qu'on ne s'est jamais diffusé Laurie Wright en 30 ans d'émission. Il est jamais trop tard. Voici Butter Side Up Boy. The Rock, c'est parfois on passe à côté d'un artiste, d'un groupe et voilà, je sais pas pourquoi, ça passe entre les mailles. Mais heureusement, il y a un Fafa qui arrive et qui dit bah quand même, c'est quand même connu ça. Puis il y a une Duluche qui dit bah aussi quand même. Donc on pose une oreille dessus, parce qu'il parle un peu comme ça. Les, je sais pas s'il m'écoute, mais il parle un peu comme ça. Et donc je pose une oreille parce que ce sont quand même des oreilles averties et des amis de confiance. Et bien Jeanne Verstraeten, donc un instant, et bien c'était une nouveauté et puis c'est quand même vachement bien, ça s'appelle Goodbye World. Il avait été révélé l'année dernière au Transmusical de Rennes, mais j'étais un peu passé à côté. Merci beaucoup Fafa du Duché. Juste avant c'était Laurie Wright avec Butter Side Up Boy, toujours dans The Rocks. TikTok, alors voilà, 30 ans d'émission, donc autant vous dire animateur 50 balais. TikTok, c'est pas, voilà, je passe pas mes journées sur TikTok, mais il peut sortir de TikTok quand même apparemment des musiques assez sympathiques et mettre en exergue et en lumière des artistes qui en valent le coup. Et bien c'est le cas de cette artiste qui a 23 ans et qui a été révélée donc sur TikTok. Ça s'appelle, elle s'appelle Brooke Combe et voici son morceau Black is a New Gold. Voilà, Black Power s'il en est, et morceau assez efficace, bien produit, tout ça tout ça. Donc on se le passe dans The Rocks. C'est plus vraiment du rock, mais c'est encore très très bien. Gone are the days I found myself asking if it's right. Gone are the ways of letting these thoughts rule my mind. The night. Bien sucré, on se serait cru en 1987. À l'instant, c'était The National Parks avec Ace Wonder, morceau assez efficace. Au début, on se dit oh, oh, oh. Et puis on l'écoute deux fois, oh, on dodeline de la tête, et c'est quand même assez sympa. Ils viennent de l'Utah, et voilà, 10 ans d'âge pour ce groupe The National Parks. Et puis juste avant, c'était Brooke Camp avec Black is the New Gold. On parlait de retrouvailles avec David Fecknam en début de cette émission. Bah voilà, des belles retrouvailles après une escapade en solitaire de leur guitariste François, qui nous avait avec les vides François gratifié d'un petit morceau cadeau, et merci encore pour les 30 ans d'Under Rock. C'est bien son groupe qui était venu il y a bien des lunes à ses micros et qui est revenu ensuite, qui s'appelle Sixteen Pack, avec emmené par la chanteuse Emma avec sa voix enchanteresse. Et bien ils reviennent avec un nouveau morceau. Ça fait un moment qu'on n'avait pas eu de nouvelles des Sixteen Pack. Ils reviennent, et la singularité, c'est que ce morceau est chanté en français. Et oui pour la première fois, Sixteen Pack s'essaye au français. Voilà, moi je les aime bien en anglais aussi, mais en tout cas là ça fonctionne. Et si on écoute l'introduction de ce morceau assez atmosphérique, eh bien on voit que François a peut-être pas mal aimé le morceau A Forest de The Cure. J'ai passé ce morceau tout à l'heure dans la voiture en venant au studio sur la tangentielle qui m'amène de mon petit patelin jusqu'à la ville d'Orléans, et il y avait un coucher de soleil qui découpait les arbres sur l'horizon, et c'était parfait. Donc si vous cherchez à rouler, à chercher une musique pour rouler sur une route à grande vitesse, enfin à grande vitesse, sans dépasser la limitation, hein, tout bien, tout à l'heure. Eh bien, ce morceau est fait pour vous. Voici donc une nouveauté. Ça s'appelle Sixteen Pack. On est ravis, et je suis ravi de les retrouver. Le morceau, c'est Le Brasier. We'll be right back. je pleure, mais mon cœur transpirait. Voici la fée que l'on fête, la fée précipitée. De ces voix qu'on reconnaît immédiatement. C'est le cas de celle de Sarah McCoy à l'instant, tirée de son deuxième album studio. Ça s'appelle La Fenêtre et c'est le seul morceau en français. Et eux aussi se sont mis au français. C'était 16 Pack juste avant. Lui aussi, il s'appelle Fall. Il s'appelle Pierre en vrai, dans la vraie vie. Mais vous le trouvez sous le nom de Fall sur toutes les plateformes d'écoute. Et il avait livré un premier EP absolument magnifique en anglais qu'on avait défendu ici même. Et bien, il revient et il m'a fait la gentillesse de m'envoyer un lien vers les trois morceaux de son dernier EP qui là aussi sont en français. Changement de style assez radical de langue et de style. Alors je dois avouer que moi je préférais la première mouture en anglais, mais en tout cas voici un morceau qui tient fortement la route. Ça s'appelle Le Bal et c'est un artiste avec un grand talent qu'il faut suivre de très près. Il s'appelle donc Fall et voici donc sa nouveauté. C'est le morceau qui clôt ce EP de trois titres. Où l'on roule des épaules, tu t'envies et tu t'abandonnes aux ombres qui te frôlent. Tu ne m'aimes plus, tu ne m'aimes plus. Avant que tu t'en ailles vers une nouvelle idylle, les élans de ton cœur indocile, avant que tu t'en ailles vers une nouvelle ville, pour de nouvelles amours sans fixe domicile. Encore trois petits tours, mon amour, avant la fin du bal. Chanson s'achève dans le mal. matin pâle. Fall avec le bal, ce projet de Pierre Kiesling, et puis juste après il y avait Hotel Ugly à l'instant, encore une nouveauté dans The Rocks avec Action Figures Fighting. Mais puisque cette émission a 30 ans cette année, je vous signale que l'émission spéciale 30 ans est toujours audible sur le site ontherocks.net avec 19 morceaux enregistrés par 19 artistes différents, très très classe, tous dans leurs jolis costumes de fête. C'est disponible sur le site ontherocks.net, et puis nous on va regarder dans le rétroviseur. J'ai eu 30 ans. Radio Show depuis 1992. Je vais être le chien de On The Rocks. C'est pour les chiens, pour les animaux, pour les enfants, pour les vieux rockers, pour les jeunes rockers, pour les... C'est une émission vraiment pour le peuple. Rocko motherfuckers on the rocks. c'était Arnaud et son rire pour présenter ce petit coup de rétroviseur. Alors il n'est pas si lointain celui-là, il date d'il y a quelques années, ça remonte pas aux 30 ans, ça remonte à il y a quelques temps. Et c'était Yarol Poupeau qui, après avoir été abonné à être derrière l'homme à la guitare, l'homme flamboyant derrière FFF, derrière Johnny, et bien se lancer avec son premier album solo et surtout sa première grosse tournée et la grosse claque scénique. J'ai un souvenir particulier de sa prestation à la Sardine, la regrettée Sardine sur les quais à Orléans. C'était absolument fabuleux. J'ai eu la chance donc de l'interviewer et de le rencontrer dans les coulisses du Château d'Eau à Blois, et on salue les amis du Château d'Eau. Et ben voilà, je lui ai demandé ce soir-là comment était venue sa passion de la guitare, puisqu'il a été le chef d'orchestre de Johnny. Il a d'ailleurs sorti un album de reprise de Johnny Hallyday en français, mais c'est surtout un musicien assez fabuleux et un guitariste assez extraordinaire. Et bien il a débuté comme tout le monde, comme vous, comme moi, avec en jouant devant le miroir, mais lui c'était pas avec une raquette de tennis, et il nous l'avoue maintenant. La seule différence avec vous, moi et lui, c'est que lui il a continué, et franchement on peut dire qu'il a bien fait, puisque c'est un des meilleurs guitaristes français. Voici un petit tour dans le rétro, un petit rétro de ces 30 dernières années dans The Rocks. Je suppose que on parlait des années 70, que t'as commencé comme tout le monde avec une raquette de tennis devant un miroir. Non, une règle en bois. Alors quel était ton morceau favori de règle? Alors c'est marrant parce que figure-toi, quand j'étais enfant, moi j'adorais, ma mère avait la cassette de la salle de Blois. Je discutais avec un des patrons de la salle tout à l'heure, il paraît qu'elle était inaugurée, que Wilco Johnson est le parrain de cette salle. Et Wilco Johnson, c'était donc le guitariste, pour ceux qui ne savent pas, d'un groupe qui s'appelait Dr. Feelgood. Et moi, j'étais fan de Dr. Feelgood quand j'avais 5-6 ans. Ma mère avait la cassette de ça. On mettait la première chanson de Down by the Jelly qui s'appelle She Does It Right. Et ça me faisait péter un câble. Donc oui, c'était ce truc-là, avec la règle en bois devant le miroir. C'était Dr. Feelgood. ça, ça fait du bien. C'est une nouveauté, ça s'appelle The Pigeon Detectives, ce groupe qu'on s'est déjà diffusé dans The Rocks. Le morceau, c'était I Found Out, groupe de Leeds, formé en 2004. Et juste avant, c'était évidemment Yarol, tiré de son premier album studio. Il y en a eu deux depuis. C'était Sal avec Jupiter qui venait lui prêter main forte. Et ça, c'est bien pour faire remuer le dard des abeilles. On continue dans The Rocks avec un groupe qui nous... un duo. Deux amis qui s'appellent Anna et Julia qui œuvrent sous le nom de Dolores Forever. Le morceau, ça s'appelle When I Say So. Alors voilà, c'est du tube pareil, un petit peu comme tout à l'heure National Parks. On se dit, oh là là, vraiment, ça c'est un peu facile, un peu mainstream, et puis c'est assez imparable, le refrain, c'est fait pour et ça marche bien. Voici donc Dolores Forever, c'est une nouveauté dans The Rock, ça s'appelle When I Say So, et c'est maintenant, tout de suite. Ah, au début, c'est... Décidément, les Parisiens et Parisiennes de En attendant Anna, qu'on vient de se diffuser à l'instant avec Principia dans On The Rocks, ont toute leur place dans ce programme que vous écoutez maintenant et que vous écoutez, j'espère, tous les lundis soirs, 19h-20h30 sur 96.2 de Radio Arc-en-Ciel, parce que c'est quand même un sacré groupe avec des sacrées compositions, ça fait du bien. C'était donc En attendant Anna, et juste avant, c'était Dolores Forever avec When I Say So. Ryan Adams revient, et il revient avec une idée assez déroutante, comme il sait en faire parfois, comme il sait en produire parfois. Il a décidé de reprendre l'album de Bruce Springsteen, Nebraska, l'album de Springsteen qu'aiment tous les rock critiques qui n'aiment pas Springsteen. Alors c'est vrai que c'était un album assez fantastique, dépouillé, sorti au tout début des années 80, fin des années 70, plutôt début des années 80. Eh bien, il reprend cet album dans l'intégralité avec un peu plus de production Springsteen, puisque Springsteen s'est installé dans sa cuisine et avait bricolé tout ça. Lui, voilà, il y a un petit peu plus de production. On va se passer le morceau Atlantic City que Springsteen a pris, repris de maintes et maintes façons sur scène. Alors est-ce qu'il va le jouer lors de son prochain passage à Paris au mois de mai, je ne sais pas. En tout cas, lui, Ryan Adams, le joue sur son dernier album. l'ancien compositeur guitariste d'Oasis se met à refaire du Oasis, mais sans Oasis. C'était Noel Gallagher avec son groupe et Easy Now. Ça aurait pu figurer sur un des deux premiers albums, peut-être le deuxième d'Oasis. Et puis juste avant, c'était Ryan Adams avec Atlantic City. Allez, on va s'enchaîner trois titres maintenant dans The Rocks. Je vous dis pas ce qui viendra juste derrière. Je vous annonce juste le premier titre. Ça s'appelle Anna Bates et cette Californienne avec son morceau Boone, eh bien revisite un peu ce qu'on appelait l'antifolk, ça aurait très bien pu figurer sur la bande originale de Juno, cette affaire. Et eh bien justement, ça va plaire à l'abeille à qui je dédicace ce petit morceau. Voici donc une nouveauté encore, ça s'appelle Anna Bates avec Boone. I do, I do, I do, I do.

souvenir en double souvenir à l'instant, puisque c'était James en 2001, James qui avait fait un tube énorme en 1990 qui s'appelait Sit Down, et bien là en 2001 il reprenait le Sunday Morning du Velvet Underground, qui est peut-être mon morceau préféré du Velvet, un de mes morceaux préférés du Velvet, et puis cette fin comme ça un petit peu crescendo où il rend hommage à tous les autres morceaux de Lou Reed. Et puis il y a eu Hills évidemment, Dudu avait reconnu, et vous aussi, avec Anything for Boo dans une version acoustique live, enregistrée dans les conditions du live, et puis Anna Bates avec Boone. C'est bientôt la fin d'On The Rocks, encore deux morceaux et je tire ma révérence pour ce soir et pour les 15 jours à venir. Pas d'émission pour les 15 jours à venir, mais nous reviendrons après les vacances de février. Je vous laisse avec Bonnie Light Horseman avec Once on Another Day, ce groupe d'Americana que je chéris ces derniers temps. Et puis pour terminer en beauté, la merveille et l'absolue merveille de Ryan Adams, reprise par Adam Wood, c'est You Will Always Be The Same, morceau qu'il m'a offert sur un plateau magnifique pour les 30 ans d'On The Rocks. Vous pouvez retrouver tous les morceaux d'On The Rocks des 30 ans sur le site ontherocks.net. Dans l'onglet live, vous avez tous les morceaux isolés, ou alors la grande émission spéciale qui dure plus de 2 heures dans l'onglet émission spéciale. Ciao, bonne nuit, bye bye, merci à toutes celles et ceux qui ont écouté ce soir, et je vous laisse avec Bonnie Light Horseman, Once on Another Day. Once on another day, once on another day, rising with the sun, living to be done. Once on another day, once on another day, calling you a friend, reaching for your hand. Once on another day, once on another day, rain fall on the roof, telling you the truth. Once on another day, once on another day, cut me with your words, hit me where it hurts. you to cause any pouring rain. Go to the birds that left us in the dust and the flames. And when the sun meets the father, there'll be something smarter for the pain. But you will always be the same. You will always be the same. Go and let a girl feet twirl. Go and make him smile. Go on like a rumbling drum inside the march of time. And when the sun meets the dark, they'll be pretty bad for. You will always be the same. You will always be the same. Go to the ones with a smoking gun, then a heat. Go to the walls we wore, the camel. And when the father meets the son, and the blood makes us better than the game. But you will always be the same. You will always be the same. You will always be the same. The same, the same, the same. Qual é a equipa que está melhor? Olha, o Porto agora tem Sérgio Conceição. Sim, se quiseres. Se, frente ao Académico de Viseu, para a taça à meio da semana, não falar demasiado com o árbitro, eu diria. Sim, espero que não fale desta vez. Que esteja aquele. Desculpa lá a ironia, mas. Não, não há problema. Nós estamos aqui para. Se calhar está a ser demais, não? Estamos aqui para responder a essas coisas todas. Eu tenho bom feitio. Se tu disseres assim, estatisticamente, o Porto que. Nos últimos 12 jogos só sofre 2 golos, tem 6 vitórias seguidas. Nos últimos 5 jogos não sofre um único golo. Não sei estatisticamente em quantos jogos é que o Sérgio Conceição não falou com o árbitro. Isso aí já não sei, essa parte da estatística não tenho, mas o Telmo deve ter. Não falou com o árbitro. Mas se tu disseres assim, estatisticamente está tudo bem para o Porto. Já perdi a conta, agora, não tenho estatística nenhuma. Se tu me perguntares se estou a gostar das exibições do Porto, naturalmente que não estou. Não estou a ver uma equipa. E da conversa do Sérgio Conceição? Essa parte deixo para vocês. O que é que eu acho do Porto? Não achei fantástica a exibição na Madeira. A segunda parte foi bastante conseguida, não é? Não, na segunda parte, mas na primeira parte entrou mal. Sim. Mas também era difícil com uma equipa que fez 28 faltas contra o Porto, por isso é preciso também perceber o que é que nós estamos a viver. Como isso atrasa, sim, e é bem visto, porque não é só o treinador que fala com o árbitro, já agora, essa observação que eu fiz. E há 28 faltas contra o jogador do Porto. Mas sim, muitas vezes também há equipas que atrasam demasiado o jogo com uma expulsão de Bernardo Folha logo no início, que eu acho que é discutível, um segundo amarelo, mas enfim, mas cá depois estamos para comentar, com arbitragens duvidosas, como também agora contra o Vizela, uma equipa com uma cuidado do outro, também uma do Marítimo, sim, do provavelmente naquele sítio, ainda é mais injusto. Mas como também agora contra o Vizela, atenção, uma equipa com respeito, que tanto o Sporting como o Benfica se viram atrapalhados contra esta equipa, mas também não vi um Porto exuberante, quer dizer, o Porto não está a rematar como deve ser à baliza, remota poucas vezes centrado na baliza, não cria jogadas do último terço e não define bem essas jogadas tantas como eu quero, e por isso é que eu te digo, quer dizer, se me perguntas quem é que está a jogar melhor, não te sei responder. O Porto não está numa fase exuberante, mas está numa fase concretizadora do ponto de vista daquilo que são os pontos. Os pontos estão cá todos, as exibições não são apaixonantes, mas o Porto trabalha como uma formiguinha. Agora, quem é que está a jogar melhor, se é o Sporting, se é o Porto, não sei. Normalmente até quem está a jogar pior triunfa nestes duelos, e espero que aconteça isso em Alvalade, porque obviamente que é determinante o Porto não perder a carruagem. Sim. E o comboio da frente. É a jornada em que o Porto acerta calendário com o Benfica, ou seja, claro, corresponde a esse desafio o Paços de Ferreira 0 Benfica 2, que aconteceu na semana passada. E agravando a isto, Tiago, o Sporting é a equipa, para mim, no Campeonato Português, que cria mais dificuldades ao Porto. O Porto não sabe jogar contra o Sporting. Ou, quer dizer, sabe, tem sabido e tem ganho. Mas tem sido muito difícil para o Porto aquele sistema de três centrais e toda a dinâmica do Sporting. O Nuno resumiu, enfim, aquilo que se passou na semana do Futebol Clube do Porto, nesta dupla jornada, as dificuldades que sentiu. Não disse nada sobre o diálogo constante de Sérgio Conceição com os árbitros, registo, mas tem a oportunidade, ainda tem tempo, Nuno. Tenho, vocês sabem qual é a minha opinião. Eu acho que o Sérgio Conceição, percebo a fúria dele com a expulsão de Bernardo Folha, que acho que é absolutamente injusta, mas o excesso já condeno, porque acho que o Sérgio Conceição não tem que comentar o trabalho do árbitro, que o árbitro é fraquíssimo e que todos nós comentamos a seguir, que é uma evidência. Ah, isso é. Lá como também foi, o evidência. Não vai ter, ele sabe bem o que é que eu penso destas coisas. Como também deveríamos comentar a arbitragem fraquíssima do Porto Vizela, que foi inacreditável. Inacreditável. Iniciar o Porto. Dois. Achas que sim. O Sporting não ganha pontos. O Porto ultrapassa o Braga com estes resultados recentes. Braga, onde Pizzi e Bruma já apareceram, já agora é uma nota para quem não acompanhou, e Bruma marcou dois golos. Sim, mas antes disso o Braga colapsou novamente em Alvalade. O Sporting embala para este jogo com o Porto? Bom, a tradição do Sporting, infelizmente, é exatamente a da falta de consistência e maturidade. Por isso, que a fase é boa, é, principalmente desde que há o... Ainda tem que a fechar com o Rio Ave, hoje à noite. Exatamente, desde que há o Garte e o Morita a jogarem naquela zona de terreno, os dois, e não é preciso adaptações, a fase tem sido boa. E por isso o Sporting aparece com 11, pode aparecer com 11 inicial forte contra o Porto. Paulinho apanhou 3 jogos, ao contrário de Sérgio Conceição, que só apanhou 1. Uhum. Está um bocadinho mal explicada esta. Paulinho não disse fraco, disse coisas piores. É? Essa dose de castigo. E não é opção. E não é opção. Não é? Estou a fazer bem as contas. Não é para o Porto, não. Mas pois, tu sabes que Porto, uma é pela cotovelada e duas é porque ele disse, não é? Com os jogos de castigos. Com o Porto, os 3 jogos é exatamente impedidos já contra o Porto. E por isso não há dúvida nenhuma de que é uma baixa. Mas o Luís joga melhor sem o Paulinho, agora cá para nós. Estava a opinião é fazer essa pergunta ao Luís. Não tenho essa ideia de jogar melhor sem o Paulinho. Não tenho essa ideia. Às vezes sai bem, mas também tem saído muito bem com o Paulinho, muitas vezes. Uhum. Né? Tem 2 gols na Liga, não te esqueças. Está bem. E quantas assistências? Pois, não sabes? Deve também muito, mas já vou ver. Mas já agora vê, não é? Também. Até porque estudar o Paulinho é sempre dar mais estofo desportivo. Na ressaca da final perdida com o Futebol Clube do Porto, onde Paulinho são vocês a estudar o Paulinho e o Paulinho a estudar o Taremi. Mas não são todas não. Vocês a estudarem o Paulinho e o Paulinho a estudar o Taremi. Na ressaca desse jogo. E os desafios, o calendário foi muito intenso, não é? O Sporting depois reage, derrota o Braga por 5-0. Sim. Vamos ver o que é que faz em Vila do Conde. Depois não tem taça, e o Porto tem um jogo exigente na taça frente ao Académico de Viseu esta semana. Isso, enfim, também pode pesar, assim como o Benfica tem um jogo com o Braga. Esta aproximação ao Braga dá ânimo, não é? Mobiliza, não é? E vamos ver esta chegada destes novos jogadores, o Diamandé e o Bellerin.